toujours la même chose. Qui glisserait. Si j'avançais un pied, comme ça, et puis c'est l'autre pied. Et c'est tout entière maintenant. Ils sont 6 ou 7. Ils me bousculent. L'homme à la caméra se retourne, sourit, s'excuse et fait signe aux autres de monter sur le bateau. Sa moustache est redressée sur le côté. Perche, appareil de photo, micro, mallette, ils disent « Voilà, voilà, nous sommes prêts, nous arrivons. » La femme porte un feutre noir. Je m'approche de l'homme à la veste rouge. C'est lui qui semble organiser le voyage. Il dit que je parle trop bas. Et si je pouvais parler un tout petit peu plus fort? Je répète, peut-il me dire au bord de quoi il s'embarque? Il rit. Nous allons, disons, à la lisière du blanc. Et il regarde mes escarpins. Je demande s'il pense que je peux faire partie du voyage, comme ça, même sans avoir rien préparé. Il dit, mais oui, pourquoi pas? Voyez le capitaine là-haut, l'homme aux lunettes noires. C'est ça, c'est lui seul qui peut décider. Vous pouvez monter si vous voulez, bien sûr, dit le capitaine. Et il regarde lui aussi mes escarpins. Ok. Okay, so we can make a check. Soyez les bienvenus ici. Votre chambre. You will learn the routine on board. And after that, we take supper. And after that, you move in your cabins. Thank you, Captain. Thank you. Welcome. Hello. Une présence qui devient vite familière. Je ferme les yeux. Je crois que oui, après tout, oui, même au milieu du bruit, je crois que je pourrais. C'est toujours la même chose. Il fait très chaud. C'est l'heure où tout le monde est réuni. Ce bateau, dit le capitaine, il brise la glace et il recommence, toujours, toujours. L'organisateur est assis à sa droite. La femme, à gauche, dans une robe de soie noire. Je suis la seule à avoir les bras nus. J'ai ramassé mes cheveux sur la nuque. L'organisateur parle d'équilibre entre le ciel et la mer, d'envers et d'endroits, de perte de mémoire, de pliure, de lent refermement du blanc, de fragilité. Les premières impressions, les premiers désirs de blancheur, de glace et de brise-glace. Un matin, lumineux, où soudain la lumière se transforme en poussière, envahit tout, et dans un halo de lumière, le bateau disparaît. C'est ce qui est en train de nous arriver. Nous entrons dans le giron final de la lumière. Et bah. On sert du poisson à la crème et du vin blanc. Je renverse mon verre, ma robe est tachée et je ris. Je dis qu'après tout, ce n'est que du blanc sur du blanc. Oui. Le vin blanc. C'est le vin blanc, ah, c'est oui. Le vin blanc. Le capitaine explique tout, geste par geste. J'aime ses mains, j'aime sa voix. Il me demande si je n'ai pas froid dans cette robe si décolletée. Il dit qu'on dort beaucoup sur ce bateau, surtout au début. Que lui, par contre, il doit guetter, il doit écouter, même la nuit. Au bout de la table, les mots se mêlent. Sensibilité, couleur, voile des détails, voyage dans le hogar, chant somptueux des hommes bleus. La femme dit au capitaine qu'elle a toujours rêvé d'être chanteuse. Oh non, mais c'est vraiment... Tu sais, s'il y a une chose que je ne sais pas faire, c'est chanter. Et tu as une voix exquise quand je t'entends. Hello, non. Surtout parce qu'elle galère en train de chanter à l'ouette. Je dis au groupe qu'il ne faut surtout pas oublier de filmer la nuit. L'homme à la caméra rit et lève son verre à la santé du brise-glace et de la nuit. Hey, hop, not techno. Do you think you can follow me? Eva, sauvage, j'ai chaud, tellement chaud. Il y avait danse, il y avait rire pour moi. J'ai envie de bouger, de danser. Le capitaine dit, mais oui, pourquoi pas? Vous avez raison, venez, comme. D'habitude, quand je pars, c'est toujours vers le sud. Au hasard, mais vers le sud. Il y a oh, tâché là. Je n'aime pas le froid. Ou alors, seulement quand dans le fond de la mer, un courant glacé soudain me surprend et me brûle la peau. Mais la mer, c'est une autre histoire. Et si j'avançais un pied comme ça, vers la porte. Si je tentais de la franchir, au moins une fois. Personne ne comprend pourquoi je m'obstine à rester à l'intérieur. Et si tout entière, maintenant, même si c'est difficile. Non, non, je veux pas, je veux pas. Je veux pas. Thank you. Les pilotes parlent toujours très près des visages et très bas. C'est ce qui m'a tout de suite attirée. Je reconnais maintenant son parfum et le goût de sa bouche, même s'il est loin. Tous les matins, il part en reconnaissance avec le capitaine. Sans lui, le capitaine ne pourrait rien voir et le bateau ne trouverait pas les chemins. Il dit aussi que le reste de la journée, il s'ennuie un peu. Il ne se passe pas grand-chose sur un brise-glace, ou bien c'est toujours la même chose. J'ai pris l'habitude de le retrouver en fin d'après-midi dans sa cabine. Il ne comprend pas ce que je suis venue chercher sur ce bateau. Je ris, je dis que je ne le sais peut-être pas moi-même. Il raconte ceux qui se sont perdus, ceux qu'il a sauvés juste au dernier moment. Il dit que la glace, c'est tellement imprévisible, tellement menaçant. On peut s'en rendre prisonnier si facilement. Je ne comprends pas toujours ce qu'il dit. Il a les yeux noisettes et une cicatrice à la jambe droite. La plupart du temps, il y a très peu de mots entre nous. Plutôt des gestes. Je m'amuse à lui apprendre à dire foulard, un peu d'eau, cheveux qui glisseraient, escarpins. Il demande comment s'appelle cette ligne-là. Je dis hanche et celle-là. Je dis nuque et celle-là. Je dis raie. Il rit. Comme le soleil? Non, non, pas rayon, raie. Et celle-là? Je dis j'ai oublié. Il demande aussi si je connaissais déjà le capitaine avant, cette intimité entre nous, s'il y avait eu un autre voyage. Je dis non, non, c'est la première fois. C'est le moment que je préfère. Derrière la vitre, je suis tous les mouvements du bateau. J'écoute les ordres du capitaine. Le travail est précis, fendre un chemin pour atteindre le pétrolier enfermé dans la glace. Il faut agir vite dans ces cas-là. La glace ne cesse de monter et le bateau sera aspiré. Le brise-glace avance. Il est tellement lourd que la glace acquiesce, s'écarte. Mais très vite, elle se ramasse, elle revient, elle insiste. Elle entoure le bateau et se colle aux parois. Le sillon se fait alors plus profond. Les ordres s'accélèrent. Je ne veux surtout rien perdre de cette avancée. Le chemin s'ouvre, la glace est fendue d'un côté et l'avant du pétrolier est complètement dégagé. Probably Le capitaine ordonne de faire le tour et de se mettre bord à bord, comme ça, voilà. Il peut toucher enfin l'avant du bateau et le ramener lentement derrière lui, très près, très serré. Je ferme les yeux. L'organisateur parle de magie polaire et les conversations reprennent peu à peu. Le pilote chuchote quelque chose au capitaine et le capitaine sourit. Ils se retournent tous les deux et je leur fais un signe de la main. Som det kommer in och upp och ner och rund ifrån det. Polmagnetik. Comme une plongée dans le bruit. Djupt in i oväsen. I oväsen. Au fond du bruit. Des ordres du temps, de la nuque. J'offre toujours mon dos. Il s'approche. Il le reconnaît maintenant. De me känner igen det. Jag ger alltid det bakifrån. Och så känner de det. Så känner de igen och ropar efter mig. Je m'écarte. Jag går därifrån. C'est une course toujours nouvelle. Då springer vi från och tillbaka. Il guide maintenant. Et le bord de leurs yeux est transparent. Helt genomskinligt. Helt deras ögon som jag kan se igenom. Je sais que la glace toujours s'étrangle. Et moi, je reprends mon souffle. Golfe, détroit, dissonance, satin autour du satin, l'âme qui persiste, qui s'insigne, qui persiste, Troy. Qui s'insigne. How sounding, so, like you don't hear it, you just listen. Around, around, lame and tame. Comme un chien, volcan, sluta plus. Tu sluta. Venez plus près, ne bouge plus, c'est une chance, ce cri dit. Venez plus près, ne bouge plus. L'heure est pour des snelles, la snelle. C'est une chance, ce cri. Tout d'un âge, cri que va. Plus lent, encore que votre souffle. flowing. Que les choses ont des bords. S'offre et se retire en même temps. Yesei ou Torifrun. Torifrun. Ritu. Je veux nouer et ramasser. Horet up. Nous sommes deux qui ne cantons. Up pour huvud. C'est ce que j'ai voulu. Tu vas précise, voyable. Au fond du bruit, des ordres des tempes, de la nuque, j'offre toujours mon dos. Ils s'approchent, ils le reconnaissent maintenant. Je m'écarte. C'est une course toujours nouvelle. Ils guident mes mains et le bord de leurs yeux est transparent. Je sais que la glace autour s'étrangle et moi, je reprends mon souffle. De dalles d'erreurs, de traces et d'odeurs de sel. Smakar som salt. Rör inte på dig nu. Jag ska älska dig så länge så här. Je veux t'aimer longtemps comme ça. Je confonds vos corps. Jag blandar ihop en kropp helt. Je confonds les cicatrices. Chemin où il est impossible de ne pas se perdre. Dans ma inte kan gå vidare. Bassin, chemin, grandes irrégularités. Où régale-t-on ? Soleil sur ton dos. Mais ça non. Solen på din bord. Så vacker. Battement des machines. Danse des golves. Danse des golves. Ne bouge plus. Et vos yeux. Eran ögon. Your eyes. Comme ça. Tout au bord. Precis. Bouge. Comme ça. Tout au bord. Så. Au bout de ce voyage immobile, draps d'effet qui glisserait loin du corps, soie froissée, nuque chancelante. Thank you. toute entière maintenant que je me dresse dans cette chambre blanchie à la chaux. La lumière filtre à travers le store et dehors les pinèdes, les cris de l'été. C'est au bout de ce voyage innocent, tout au bout, que je me dresse, pâle et la joie au bord des yeux. C'est toujours la même chose. On ne revient jamais et on ne cesse de partir. Toujours la même chose.